J'ai pas top, j'ai plein de baba, j'pète une clope, c'est Mr. Chula, fake ben goose, choque les tous sur la grégouze. J'ai bizarre, mec, chat, j'ai parle, ou on back, ça fait on se régale. Au dégain, non, mais j'ai personne, rentre chez toi et téléphone qui sonne. Demande à ben goose, j'croyais que t'avais bon, elle t'a mis un pouce. Tu fais le fan, tu pisses tout, tu vois la beluga de Moscou. Pourquoi tu fais le costaud? Tu pourrais finir à l'hosto, prends pas tu rigoles. Ça écoute en cale, en boîte en tol, quand ça braque ça vole. Quand c'est tout seul ou que ça fume, un peu posé avec sa folle. Ça folle, ça folle, tu capes même si la roue est voilée. En T-Max ou en quad, en survêt dans ta soirée. Même si la roue est voilée, un T-Max ou un quad, en survêt dans ta soirée. Fais la gage, j'ai pas top, j'ai plein de baba, j'pète une clope, Smithers, tu la fake ben goose, choque les tous sur la grégouze. J'ai bizarre, mec, chat, j'ai pas ou on back, ça fait qu'on se régale. Au dégain, non, mais j'ai personne, rentre chez toi et fais des fonds les zones. La potion dans la taille que je roule en zone. J'ai claqué deux verres comme la veille, c'est pour toutes les zones. Pour toutes les zones. Cheaté au Pinel dans la mille. Plus longtemps, je me retrouve vers être le mille. Et au rond-point de l'escale, paraît que c'est miné. Toi, c'est ton plan, mais lui, il aime que c'est lui. Évidemment, je lève le TDM. Et je sais que t'as gadi M. Quand elle me voit passer, y'a écrit Joule. Derrière le maillot de l'OM. Évidemment, je lève le TDM. Et je sais que t'as gadi M. Quand elle me voit passer, y'a écrit Joule. Derrière le maillot de l'OM. Fais la gage, j'ai pas top, j'ai plein de baba, j'pète une clope, Smithers, tu la fake ben goose, choque les tous sur la grégouze. J'ai bizarre, mec, chat, j'ai pas, ou on back, ça fait qu'on se régale. Au dégain, non, mais j'ai personne, rentre chez toi et téléphone qui sonne. Voilà, tu l'attendais, c'est là, hein, gros. Joue là. Featuring Ben Goose. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Il y a pas un pour faire deux, mon bar. Qu'est-ce qu'il y a? Marque moi là, frère. Hein? Fabi? Tu bagues là? Au fada? Tout ça, gros? Ça fait? Ce que si? Ça fait? Où ça? Tu es là? Où est-ce que tu es? Tu bébé? Ah bah j'ai compris mon bébé. Eh ouais, c'est la night, oh. J'suis chafé. Oh, au costard. Ouais, non. Au cousin. Je crois que t'en peux plus, mon bébé. Eh, ça va, c'est la régale. Série quoi, bon, on est là. On est comme toi. Qu'est-ce qu'on fait? On boit pas un coup, mon bébé. Hein? Eh ouais, mon bébé. Sur ce, j't'embrasse. Allez, bitch, m'a gonflé, allez, bise.